Le Salon Noir. L'archéologie française à l'étranger vit au rythme des crises et des conflits. Irak, Syrie, Yémen, mais aussi Libye, voire Pakistan et Égypte. Aussi, je garde le souvenir du rapatriement en 1980 à l'École normale supérieure des caisses et archives de la délégation archéologique française en Afghanistan, fraîchement débarquée de Kaboul après l'invasion russe. Aujourd'hui, l'Afghanistan fait figure d'exception puisque les archéologues ont réinvesti cette contrée. Ils parlent le Dari, cette variante du persan dont les locuteurs sont les Afghans et quelques Zoroastriens d'Iran. Le voici surtout de retour de Kaboul après 10 années de terrain, débarqué samedi en France. Philippe Marquis, bonjour. Monsieur Charpentier, bonjour. Archéologue, orientaliste, conservateur, vous venez d'achever votre mission de directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, avant probablement de repartir vers de nouvelles missions, de nouvelles aventures archéologiques. Philippe Marquis, disons-le tout de suite, vous êtes revenu d'un des terrains les plus durs au monde. Ce terrain, il est d'abord surtout dur pour les Afghans eux-mêmes. Et les 10 années passées ont été 10 années de, non pas de combat, mais en tout cas d'une vie quotidienne parfois rythmée par des attentats, parfois rythmée par des attaques, rythmée toujours en tout cas par des problèmes de sécurité à régler, la plupart du temps réglés très facilement grâce au soutien de ces Afghans qui nous entourent, des communautés avec lesquelles on travaille, grâce au soutien aussi des autorités afghanes et des autorités françaises présentes en Afghanistan. À vous lire, les conditions sont toutefois très particulières puisque, et je vous cite, le fonctionnement de la délégation archéologique française en Afghanistan a été directement guidé par les instructions données par le poste en matière de sécurité et de déplacement. Tout ça est très officiel. Tout ça est très officiel, donc entre les instructions et, entre la lettre et la forme, il y a toujours effectivement parfois des petites variations. Donc moi, je suis très reconnaissant justement à tous ces diplomates du poste de Kaboul, tous les ambassadeurs avec lesquels j'ai eu à travailler, tous les conseillers culturels, par leur approche extrêmement réaliste de ce que pouvait être le travail de la DAFA et du rôle de son directeur adjoint que j'ai été, puis ensuite directeur, puisqu'à chaque fois, j'ai eu à la fois leur soutien entier dans des conditions parfois un petit peu limites en termes de sécurité. De ces dérogations au régime général pour sortir de Kaboul. Vous êtes sorti de Kaboul ? Oui, bien sûr. Bien sûr, enfin, rester à Kaboul, qui est une ville pas forcément désagréable, serait un petit peu limité pour travailler sur l'archéologie d'un pays qui fait à peu près 650 000 km² et avec des très gros centres urbains et puis surtout un patrimoine archéologique tout à fait important, réparti, je dirais pas de façon égale sur la totalité de ce pays, mais enfin bien disséminé sur ce pays en tout cas. Alors peut-être deux mots sur cette délégation archéologique française en Afghanistan, qui est quand même très particulière dans le paysage archéologique. Visiblement une institution très ancienne, à l'époque même du roi, la France avait le monopole de l'archéologie afghane, c'est bien ça ? Oui, alors la DAFA est un peu une exception dans le paysage archéologique international français, puisque créée en 1922, elle a été créée avant même qu'il y ait une ambassade à Kaboul. C'est-à-dire que le premier fondateur de la DAFA, Alfred Fouché, a en fait, à son arrivée à Kaboul, fait fonction en quelque sorte de chargé d'affaires, donc remplaçant ambassadeur. Donc c'est cette DAFA, elle est créée à l'initiative du roi Amanullah, donc le roi d'Afghanistan, qui avait décidé de moderniser son pays. Et dans ce processus de modernisation de ce pays, avait dit, voilà, mon pays a besoin d'une armée, a besoin d'un service de santé, a besoin d'une éducation, mais il a aussi besoin d'une histoire. Et c'est vers la France qu'il s'est tourné pour que cette histoire ancienne soit écrite. Et donc, c'est de cet acte de naissance un peu particulier que la DAFA tire en quelque sorte sa légitimité en Afghanistan, première institution archéologique. institution présente, pratiquement toujours présente, avec une parenthèse malheureuse, si je puis dire, entre 1982 et 2002, et maintenant toujours seule mission permanente étrangère à travailler en Afghanistan. Et probablement les seuls ou les derniers à partir en cas de conflit, c'est bien ça ? C'est une question que je ne me suis jamais posée, puisque, la DAFA est en Afghanistan, restera en Afghanistan. Parmi les réalisations de votre délégation, il y a bien sûr la Bactriane dans le nord de l'Afghanistan. La DAFA a engagé des recherches notamment sur Bactre. Bactre que l'on dénomme parfois la mère des villes, c'est bien ça ? Oum al-Balad, la mère des cités, oui. C'est vrai que reprendre, comme ça a été le cas en 2002, à l'initiative de Roland Besenval, de reprendre les fouilles à Bactre, c'était en quelque sorte revenir sur ce qui était les premiers pas de la DAFA en Afghanistan, puisque Alfred Fouché, en 1923, avait commencé à cet endroit-là, justement, à Bactre, ses premiers travaux archéologiques. Mais en 2002, quand la DAFA y est revenue, c'est avec d'autres méthodes, d'autres chercheurs, d'autres visions du paysage archéologique, d'autres missions et d'autres visions aussi de ce que pouvait être le rôle de la DAFA auprès des Afghans. Ce que vous recherchiez, c'était quoi ? La ville d'Alexandre ? Ce qu'on recherchait surtout, c'est montrer qu'après 20 ans de pillage, 20 ans de destruction, il était possible de refaire renaître une archéologie en Afghanistan, de refaire renaître une archéologie sur des thèmes scientifiques actuels, et puis avec aussi des perspectives nouvelles. Donc, retrouver les traces d'Alexandre, bien entendu, c'est un petit peu, en quelque sorte, ça faisait partie, si je puis dire, du package. C'est-à-dire, on recommençait des fouilles, et on recommençait aussi avec la certitude que, avec les nouveaux moyens qu'on employait, peut-être qu'on pouvait arriver à avoir des résultats différents de ceux de nos prédécesseurs qui, eux, avaient vainement cherché la présence de la cité d'Alexandre à Bactre. Bactre, un potentiel archéologique tout à fait extraordinaire, notamment, bien sûr, pour cette période grecque. On se souvient, par exemple, d'Aïranoum, un autre site où des textes grecs avaient été trouvés, des textes absolument uniques au monde. Tout à fait. Alors, je suis très content que vous citiez Aïranoum parce que c'est pour moi l'occasion donc de rendre hommage à Paul Bernard, le directeur de la DAFA de 1964 à 1978, qui a été l'inspirateur de ces fouilles, qui les a menées, qui encore maintenant travaille à l'exploitation des données archéologiques dont vous faisiez référence dans votre chapeau d'introduction, puisque c'est ces données archéologiques que vous avez vu arriver dans les années 80 à l'École normale supérieure. La ville de Bactre est très ancienne. Oui, puisqu'en fait, elle est plus ancienne. Enfin, la tradition historique, on faisait une ville très ancienne. Jusqu'à présent, les éléments archéologiques dont on disposait ne permettaient pas de justifier ces traditions historiques. Maintenant, les résultats des travaux récents, des fouilles menées jusqu'en 2009, et puis de l'exploitation des données archéologiques, nous montrent que cette ville est donc un passé très riche, très ancien, allant bien au-delà, effectivement, de ce passé hellénistique qu'avaient cherché nos prédécesseurs, Alfred Fouché, puis ensuite, après lui, Daniel Schumberger. Quelle est l'origine de la ville ? Pour l'instant. Du phénomène urbain en Afghanistan. Pour l'instant, les seules choses qu'on puisse vraiment dire, et c'est des résultats assez récents, puisque c'est le résultat des travaux faits par Johanna Lhuillier sur la céramique venant du Balaïssar de Bactre, qui est donc la forteresse, à l'intérieur de la forteresse, montre qu'on a des choses qui dateraient de la fin du deuxième millénaire. Alors c'est sans présager sur ce que pourraient apporter des travaux ultérieurs, dans le sens où ce que nous avons pu explorer de Bactre est une toute petite partie. Mais déjà, ces résultats sont un grand plus par rapport à ce qui avait été observé par nos prédécesseurs et montrent que si on a une ville importante à la fin du second millénaire, on a probablement une ville dont l'origine est à rechercher bien avant, bien entendu. On connaît réellement l'histoire de cette ville ? On sait par exemple que Zoroastre pourrait y être enterré ? Alors, il y a une tradition. On est dans le mythe, là ? Alors, toujours embarrassant de répondre à ce genre de questions, dans le sens où les mythes sont finalement une forme de proto-science, en quelque sorte. Et donc, une espèce d'intuition qu'ont pu avoir les gens, intuition souvent guidée par des traditions historiques ou des traditions orales. Mais bon, dans le cas précis de Bactre, ce à quoi vous faites allusion, en particulier donc le fait que Zoroastre aurait pu être enterré à Bactre, jusqu'à présent, était très contesté. Maintenant, les éléments archéologiques, justement, des missions expéditions qui ont été faites par la DAFA en 2007-2008, en particulier sur le site de Chechmé Chafa, 20 km au sud de Bactre, ont révélé la présence d'un hôtel du feu de dimension tout à fait monumentale, daté des alentours du 6e-7e siècle avant Jésus-Christ, donc la période pendant laquelle on pense que le Zoroastre historique a pu vivre. Donc là, effectivement, on a un élément qui accréditerait cette tradition, élément extrêmement important, puisqu'en fait, la tradition zoroastrienne est une tradition extrêmement importante encore en Afghanistan. Non pas qu'il y ait des zoroastriens, mais il y a beaucoup dans la vie quotidienne, ou dans le folklore, ou dans les fêtes traditionnelles de référence à ce passé zoroastrien. Et donc le fait que Zoroastre puisse avoir une légitimité afghane, c'est extrêmement important, je crois, pour les populations afghanes. En tout cas, Bactre est une ville totalement mythique pour les archéologues. Une des découvertes majeures a été la découverte de niveaux achéménides sur le Balaïssar. Vous en parliez il y a quelques minutes. De quoi s'agit-il ? Le niveau achéménide, c'est donc tout ce qui correspond à justement cette période, fin du second millénaire, mais surtout au 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc tout ce qui est présent, tout ce qui précède la présence grecque ou la colonisation grecque dans cette zone-là. Donc c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est une période pendant laquelle on peut mesurer l'impact de toute cette zone du nord de l'Afghanistan sur le plan régional. C'est-à-dire que la céramique qu'on trouve à Bactre, elle n'est pas très différente de la céramique qu'on trouve au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan. Donc qui montre qu'on a dans cette zone-là, à cette période, une gigantesque culture commune. Le fleuve qui actuellement fait le nord de l'Afghanistan, la Moudaria n'étant pas visiblement une frontière, mais plutôt effectivement un trait d'union entre cette Asie centrale et le Turkestan afghan, ce nord de l'Afghanistan. Et puis vous avez aussi entrepris des recherches sur le rempart de la ville, un rempart que l'on peut s'imaginer en terre crue. Un rempart tout à fait en terre crue, un rempart extrêmement bien conservé pour l'instant. C'est des vingtaines de kilomètres de rempart conservés, parfois sur une hauteur d'une vingtaine de mètres de haut, avec pour l'instant donc au moins sept grandes phases de réfection. Et donc ce rempart, nous l'étudions essentiellement pour avoir aussi les éléments qui permettraient de mieux le conserver, de mieux le protéger. Donc c'est un vaste travail sur lequel on a eu des financements extrêmement importants, en particulier de nos partenaires américains, et qui, j'espère, débouchera, outre une meilleure connaissance de ce rempart, à sa protection. Et puis Bactre est aussi une oasis, une gigantesque oasis de 16 000 km². C'est l'ensemble de cette oasis que vous étudiez et qui vous intéresse. N'est-ce pas un trop gros site pour Katoussaint, archéologue de votre délégation ? C'est un site énorme. C'est le constat que faisait Alfred Fouché quand il a commencé les travaux. C'est le même constat qu'a fait dans les années 45-50 Daniel Schumberger. Et même alors l'illustre père de l'archéologie indienne, Sir Mortimer Ruwiler, qui en 1948 visite Bactre et qui dit « ce site est énorme, il n'est pas à la taille des archéologues ». Alors, je pense que tout est une question en quelque sorte d'optique. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Et je crois que c'est cette capacité que peuvent avoir les archéologues à faire varier leur focal, se concentrer sur le tesson, mais aussi être capable de voir de grands ensembles comme cette oasis de 16 000 km² qui est peut-être la solution. C'est-à-dire, si on considère ces 16 000 km² comme un seul objet, finalement, il devient étudiable par un petit groupe d'individus. Après, ça peut se décliner de mille et une façons, mais je crois que c'est justement le grand plus de l'archéologie de ces zones-là, c'est de donner aussi aux archéologues cette capacité de finalement travailler avec une certaine agilité sur les échelles passant du tesson justement à l'objet archéologique que sont 16 000 km² de terrain culturel en quelque sorte. Reste aussi à savoir pourquoi cette grande cité a-t-elle été abandonnée, le choix des hommes, le choix du climat ? Je dirais un petit peu les deux. Le choix des hommes, il est explicite, puisqu'en fait, au 15e siècle, il est décidé de créer une nouvelle ville à côté de Bactre, une nouvelle ville qui est la ville qui s'appelle actuellement Mazar-i-Sharif. On sait aussi que, donc choix des hommes, mais aussi on sait qu'une des raisons de ce changement de localisation est probablement liée à une évolution très défavorable des conditions sur place, c'est-à-dire développement de la malaria, développement en tout cas de zones marécageuses qui sont le foyer, justement, bah, toutes les maladies qu'on peut trouver dans ce type d'environnement. Et puis surtout, bon, il y a, semble-t-il, un événement historique qui justifie ce déplacement, en tout cas au moins deux éléments historiques. Au XIIIe siècle, c'est l'invasion mongole, puisqu'on sait que Gengis Khan détruit cette ville de Bactre, qui était une ville symbole pour lui, visiblement, et dont sa destruction était très importante. Puis ensuite, quelques siècles après, Tamerlan, de nouveau, détruit la ville. Donc, il y a donc un ensemble de trois facteurs, choix des hommes de s'installer ailleurs, choix des hommes aussi de détruire la ville, et puis des considérations environnementales, déjà à cette époque, qui ont justifié du déplacement de la ville. Il n'y a pas qu'Alexandre le Grand et l'art gréco-bouddhique. Vous recherchez aussi de nouveaux terrains sur des périodes très anciennes. L'histoire de l'Afghanistan remonte-t-elle à la préhistoire réellement ? Probablement. Le futur, je l'espère, nous le dira. Je crois que la partie la moins bien connue de l'histoire de l'Afghanistan, c'est justement la préhistoire. En tout cas, la partie la moins connue de ce passé de ce pays. Et malgré tout ce qu'on peut penser, il est probable que ce potentiel préhistorique est beaucoup plus riche que jusqu'à présent on le soupçonnait. Dans les années 60, une équipe américaine de l'Université de Pennsylvanie a fouillé un site important qui s'appelait Akupro, qui avait une très très belle séquence allant du paléolithique jusque, grosso modo, au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Les éléments que nous commençons à voir montrent que ce site paléolithique n'est pas unique, qu'il y a probablement une occupation paléolithique assez importante aussi bien au nord qu'au sud de l'Afghanistan, avec un vrai problème qui est de comprendre quelles sont en fait les données environnementales qui ont pu conditionner ces occupations paléolithiques et surtout leur conservation. Philippe Marquis, pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que vous arrivez de Kaboul où vous étiez directeur de la délégation archéologique en Afghanistan. Pourquoi l'archéologie est-elle si importante dans les relations franco-afghanes ? Elle est importante parce que c'est effectivement la relation la plus durable que les deux pays aient eue, donc depuis 1922. Elle est importante parce que les Afghans ont une très grande attente par rapport aux Français, en particulier dans tout ce qui concerne le domaine de la coopération culturelle. Cette attente, elle a été satisfaite à certaines périodes. La découverte d'Ahiranoum a été, je pense, pour les Afghans, une très grande découverte. La découverte de leur facet de façon plus générale, grâce aux archéologues de la DAFA, a été un apport extrêmement positif. Donc, dans cette lignée, la DAFA d'aujourd'hui est un institut qui est très sollicité par les Afghans, très apprécié par les Afghans. J'en ai pu, au quotidien, j'ai pu voir que aussi bien les institutionnels, ministres, directeurs, que les Afghans instruits considéraient effectivement la DAFA comme étant une institution afghane d'abord. En fait, une institution certes française, mais dont les Afghans profitaient de façon extrêmement positive. Donc, je crois que c'est fondamental. C'est fondamental aussi dans un pays qui se cherche, dans un pays dans lequel les identités culturelles sont parfois des identités s'affrontant parfois de façon violente. Et le fait de poursuivre l'idée du roi Amanullah, cette idée de donner à son pays une histoire ancienne, je crois, est extrêmement importante. Au travers de cette histoire ancienne, on dépasse les clivages ethniques, on dépasse les clivages religieux et surtout on donne aux Afghans vraiment les instruments pour comprendre ce que c'est que de vivre dans ce pays. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. La seconde, ou la deuxième plutôt, grande réalisation de la DAFA est sans nul doute Mécénac, une gigantesque mine de cuivre de concession chinoise. Ça paraît improbable. C'est le grand défi de la DAFA, en fait, puisque c'est nos collègues des institutions afghanes qui sont venus nous voir en 2009, je m'en souviens très bien, en disant, on nous demande de faire une fouille de sauvetage sur ce site, est-ce que la DAFA peut nous aider ? Et donc, c'était un vrai challenge, vous pardonnerez cet anglicisme, dans le sens où une fouille préventive en Afghanistan sur un terrain couvrant 4 km² avec une densité de vestiges extrêmement importante et surtout avec sur place un personnel afghan formé extrêmement réduit semblait relever de l'impossible ou du travail ou de rajouter à la liste des travaux d'Hercule. Bon, alors, et puis c'est aussi l'importance du cuivre, un gisement absolument gigantesque exploité donc par la Chine avec des enjeux donc financiers énormes. Enjeux financiers, enjeux politiques bien entendu. Enjeu globalement économique pour l'Afghanistan, puisqu'en fait, les ressources que l'Afghanistan peut espérer tirer l'exploitation de ce cuivre couvriraient entre 350 et 400 millions de dollars par an, c'est-à-dire un apport très substantiel au budget de l'État. Donc, dans ce milieu extrêmement compliqué, extrêmement miné, si je puis dire, à tous les sens du terme, la DAFAS devait faire quelque chose, mais devait le faire avec, en quelque sorte, le professionnalisme qui la caractérise depuis toujours, mais aussi toutes les prudences qui s'imposaient. Alors, ce cuivre, est-ce qu'il a été exploité au troisième millénaire, à l'âge du bronze, il y a 5000 ou 4500 ans, déjà ? On peut le penser. Pour l'instant, on n'en a pas la preuve, je crois. On n'en a pas encore la preuve. Ce qu'on sait actuellement, dont on est sûr, c'est que dès le 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, on a une exploitation. Ce qui est assez remarquable, c'est l'intensité et l'importance de cette production entre le 3e siècle après Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ. C'est un des grands gisements de l'Asie moyenne et du Moyen-Orient, avec l'Iran, peut-être le sultanat d'Oman ? Probablement, oui. C'était en tout cas à son époque. Je pense que si on considère l'importance de ce qui a été extrait, qui est en quelque sorte documenté par l'important des scories, ça a été un très très grand site, oui. Mais Sénac, c'est aussi un exceptionnel ensemble de monastères saints de remparts. Tout à fait. On a maintenant identifié un peu plus de 15 monastères, chacun avec leur décoration de peinture murale, de statues d'argile, mais aussi de statues de pierre, de statues de bois. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors les peintures, je les ai vues, elles sont restaurées. Travail absolument extraordinaire, des peintures majeures pour l'histoire du bouddhisme. Je crois que c'est des peintures qui apportent des données tout à fait nouvelles sur l'histoire de l'art et sur le bouddhisme en Afghanistan. Vous me donnez l'occasion de remercier David Cueco et François Joseph, qui sont les deux restaurateurs français qui ont travaillé sur les principaux de ces panneaux. Les remercier parce qu'effectivement, aller en Afghanistan, n'est pas toujours facile. Et je crois qu'effectivement, il faut effectivement saluer le courage de ceux qui sont allés. De fait, l'archéologie bouddhique en Afghanistan reste aujourd'hui un terrain totalement vierge. On connaît bien l'histoire de l'art, mais l'archéologie, voilà, pas du tout. Il y a très grands chercheurs qui ont travaillé sur le bouddhisme en Afghanistan. Premier d'entre eux, bien entendu, Alfred Fouché qui a travaillé dans les années 20, et puis plus récemment Gérard Foussman, mais Zamiral Aitarzi qui a travaillé à Bamiyan pendant plusieurs années, se sont intéressés beaucoup donc à l'architecture religieuse et donc à l'histoire de l'art des monastères en Afghanistan. Maintenant, effectivement, ce que nous donne comme possibilité un site comme Messenac, c'est d'étudier des activités industrielles ou artisanales en relation avec les monastères bouddhiques et d'essayer de comprendre comment les deux pouvaient fonctionner. Y a-t-il une relation entre d'un côté le monastère bouddhique et de l'autre côté l'exploitation de la mine ? On peut penser que le monastère bouddhique ne vivait que de quêtes et d'aumônes normalement. Tout à fait. Je crois que c'est ce qui nous a surpris en travaillant à Messenac. C'est de s'apercevoir que, il y a d'abord une relation topographique entre les deux. On a la mine, et puis autour de la mine, on a les monastères bouddhiques. Et sur la mine, on a même des petites chapelles bouddhiques. Donc, même si pour l'instant, il est très difficile d'établir quel est le lien, il y a un lien. Dire que ces monastères, ils sont là, pas tout à fait par hasard. Et ça me fait toujours penser, bon, je pense que pour certains, ils vont trouver que le rapprochement est un petit peu forcé, mais ça me fait penser à l'archéologie cistercienne. Dans les abbayes cisterciennes, on a souvent aussi cette association d'établissements industriels et puis d'établissements dédiés à la méditation, à la prière. Un dépôt de bijoux a été récemment découvert et puis visiblement on y frappait aussi monnaie, donc un véritable centre de pouvoir, Philippe Marquis. Ah, complètement. Objet en or, monnaie, objet artistique de grande qualité, nécessairement cet endroit est un endroit de pouvoir, en tout cas c'est un endroit important. Donc il est d'autant plus important en fait de pouvoir l'étudier de façon correcte. Il y a aussi le site de Lashkari Bazar, grande capitale des Ghaznévides, où beaucoup de choses pourraient être réalisées. C'est un grand projet que j'ai initié avant de partir et je suis sûr que mon successeur, que je veux saluer, Julio Benjesus Sarmiento, continuera sur ce projet-là. La Chagarga, c'est effectivement un site qui a été fouillé dans les années 50 par la DAFA, qui est un site qui fait 19 km de long, 5 km de large. Et le projet qu'on est en train de monter serait effectivement d'entreprendre le sauvetage de ce site gigantesque, sauvetage réalisé en initiation de la population, puisqu'on compte faire travailler à peu près 2000 personnes sur cette opération. Ancienne capitale des Ghaznévides, donc grosso modo entre le 10e et le 12e siècle, c'est à peu près ça ? Exactement, exactement. Philippe Marquis, vous avez en charge la conservation et la préservation du patrimoine. La destruction des gigantesques Bouddhas de Bamiyan a été un véritable choc pour l'opinion internationale. Aujourd'hui, s'agit-il d'un site totalement ravagé ? Fort heureusement, non. Dans la vallée de Bamiyan, les Bouddhas constituaient les éléments les plus emblématiques, les plus grands marqueurs en fait, de cette présence bouddhique. Leur destruction a été, aux yeux de tous, une catastrophe. Ce que nous essayons de faire, sous la coordination d'ailleurs de l'UNESCO, et de ce point de vue-là, je voudrais saluer nos collègues de l'UNESCO pour le travail qu'ils font, est d'essayer d'une part de stabiliser ce qui reste des niches des Bouddhas, et puis aussi de mettre en valeur et de protéger toute cette vallée de Bamiyan, qui est une vallée dans laquelle encore de nombreux sites restent à étudier, et surtout de nombreux sites sont à protéger. On avait parlé d'un troisième Bouddha enterré au sol. De quoi s'agit-il ? C'est une vraie information ou rien du tout ? Ça fait partie des hypothèses qui sont toujours intéressantes à vérifier. On a un texte d'un pèlerin chinois du 7e siècle décrivant l'existence d'un Bouddha de 300 pieds de long, donc dire 100 mètres de long, qui se serait trouvé donc au pied de la falaise des Bouddhas de Bamiyan. Ce Bouddha, pour l'instant, n'a jamais été trouvé. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il existe, ça ne veut pas dire non plus qu'il existe. L'Afghanistan a été l'objet d'un terrible iconoclasme religieux par les talibans. Y a-t-il un parallèle à faire avec la destruction des antiquités de Mossoul dans le nord de l'Irak par l'État islamique en Irak et au Levant ? L'iconoclasie est un phénomène sur lequel on doit toujours s'interroger. Je crois que autant la destruction des Bouddhas de Bamiyan, je pense, était pour les opinions occidentales un révélateur de la fragilité de ces patrimoines culturels et puis de leur importance. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe actuellement en Irak et en Syrie doit nous mobiliser. Doit, je crois, mobiliser les opinions, même les opinions qui, a priori, n'étaient pas sensibilisées à ces problèmes du patrimoine. Ce qui se passe est une tragédie. C'est une tragédie dans le sens où on ne reviendra pas en arrière. Les Bouddhas de Bamiyan, si tant est qu'on pouvait les reconstruire, ne seront jamais les Bouddhas de Bamiyan de l'année 2000 ou 2001 avant qu'ils soient détruits. Donc je crois qu'il faut ne pas être, d'abord, de ne pas réagir de façon trop peut-être directe aux images, mais d'essayer d'en tirer les leçons. Ces destructions, elles ont un sens. Il faut essayer de comprendre quel est ce sens. Et puis, au-delà de ce sens, de dire que faut-il faire pour que ça ne se reproduise plus jamais. D'ailleurs, Philippe Marquis, peut-on penser à un retour des talibans du Mollah Omar ? Oui, puisque vous étiez observateur, je crois, durant les élections. Vous m'avez dit ça. Oui, vous savez, les archéologues sont plutôt des gens qui sont spécialistes du passé. Donc, me prononcer sur l'avenir me semble un petit peu difficile. Je crois que je laisserai à d'autres, peut-être d'autres invités que vous aurez, ou à d'autres politologues, discuter ce sujet. Je crois qu'effectivement, c'est possible. Ce qu'il faut en tout cas, c'est faire en sorte que, quoi qu'il arrive, l'opinion internationale reste mobilisée aux côtés des Afghans, pour que leur patrimoine culturel cesse d'être détruit ou cesse d'être endommagé. En deux mots, Philippe Marquis, l'armée américaine a formé la police afghane, vous avez formé les archéologues afghans. L'action de la DAFA n'a de sens qu'avec les Afghans. Donc tout au long de la période pendant laquelle j'étais en Afghanistan, et je pense que mon successeur fera de même, notre but premier sera d'abord de donner aux Afghans l'expertise pour pouvoir gérer leur patrimoine et faire en sorte qu'ils puissent survivre. Philippe Marquis, merci beaucoup et merci d'être venu dans le Salon Noir juste à l'arrivée de retour de Kaboul. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'archéologie et l'identité nationale, notamment durant les guerres mondiales, sous le titre « À nos braves Gaulois, morts au champ d'honneur ». Le Salon Noir a été réalisé par Véronique Villa, à la technique Clément Berman, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.